le son tourne comme tu l'es sur ton corps. Je roule de quoi chill et encore let's fly. Fais-moi taire tout ce bordel, berce et endorme, fais-moi taire tout le temps. Dans la France, vas-y, perturbe la place. La vie est dure, ça brasse. La weed est pure, ça casse. Comme un ponctu gold français, clown sans le babybel sur la France. Les deux aussi doivent se marier. Tant que tu bottes docile, ils peuvent se parler. Ils appellent ça démocratie. Bande d'enfoirés, 200 ans d'oligarchie. Quelle femme de taré. Moi, comme un vieux singe, j'observe et déduis. Grimace, c'est votre nom, j'ai que votre savoir réduit. La certitude d'être payé et non juste peut-être vivre. Zou les suivre comme des animaux, crier, lève les bras libres, croire que c'est beau la vie comme chez Haribo. Toi tu voulais des lingots malgré les papes, à ramasser les liasses que t'as donné ton. J'en ai déjà des trous. La frousse, j'en ai pas, j'suis chaud. La bourse, c'est du casino. V'là le casino. J'suis pas quasi, mais pour me calmer, faut quasiment une camisole et quatre skisos. Amène des fous qu'on jacte. L'affaire est triste avec les gens sains d'esprit. Amène-les tous, vont se battre. Donnons de la paix, pas du vice, l'ensemble des filles. Arrête le fou, le contact. Au nom du flair, du twist, je suis un animal. Un animal, yeah. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Je suis un lion. Un animal, sois le million. Si tu ne veux pas goûter Ramadan, dis sillon. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Naturel, primitif, un animal. L'humain se croit supérieur, mais ce n'est qu'un animal. Détruit la planète, soi-disant pour le meilleur. Elle le lui rendra bien, mais c'est pas plus mal. Couler du béton partout, dominer la nature, tout faire tourner autour des sous. Interdire la vertu, l'humain est fou, je t'assure. La vie est floue, bientôt y'aura plus de pétrole dans ta voiture. Plus d'eau potable que de l'air vicié. Arrêtons le supplice et fabriquons un futur. Je vois des humains s'unir, c'est loin d'être pour le pire. Je vois l'avenir, comment te dire. Des fois j'ai même l'impression qu'on va bien finir par s'en sortir. Et y'a plus que l'espoir pour tenir. Je voudrais pas avoir l'air de faire mon devin, mais à la fin de l'histoire, bah, faudra bien saisir que sur Terre, on n'est pas plus qu'une forme de vie. Des animaux. Des animaux. On est des animaux. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Je suis un cobra, un animal, nique les coups-bas, je t'attaque au visage et je te bouffe comme un croco. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Toi aussi tu es un animal, fais ton choix mon vieux. Tu es ou perpétué. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Je suis un hibou, un animal, toujours debout. Comme un panda, je m'envoie des tas de bambous. Thank you.